t'es les dompté, oh. Quelle technique en place peut faire monter la gomme? Si t'as style, fric, tchatch, go. T'es quel type, le poétique, le drôle, le cash ou le faux? Jusqu'où l'homme est capable d'aller pour monter la haut? Ce soit une boîte bas, les lascar monte la saut. Quand ça boum boum dans ton cerveau, place à la drague, tchiki tchiki jump. Baby, c'est tes yeux ou bien l'océan? Dis-moi vite que je me noie dedans, que le vent m'emporte en océanie. J'ai si mal, mal, baby c'est tendu, mon cœur est pendu. Quand j'ai entendu ta voix, je me suis pendu. Viens dans ma Benz V12, je t'écoutais parler, t'écoutais penser, tes goûts, tes pensées sont miennes. Et ça fait bang, bang, baby, tu sais que ça fait boum. Dans mon body, j'expire quand tu respires. Vas-y, arrête de mentir. R.K., D'Angelo ou L.L., ce que tu veux du moment, j'obtiens ton fond. Arrête de mentir. Ce qu'elle veut l'entendre, non, mais prêt à le dire, prêt à mentir, afin d'assouvir ses désirs. Arrête de mentir, mentir, mentir. Ah ouais, tu chantes, ça tombe bien, je suis producteur. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle de menteur. Voilà Freddy, débarquant dans la boîte comme dans Bailey. On dirait Jay-Z, les pompes et le sweetheart sorti au Teddy. Chicken, repère une lady en scred, on voit des signes. J'ai grillé ses yeux clignes, ok, elle me trouve mine. On se connaît, j't'ai pas déjà vu à Marseille. J't'ai pas toi à Sarcelles, à la fête de mon pote Arsène. La lady est déjà envoûtée par ma voix crème. Ensuite je me mets en Marseille et hop, la go me harcèle. Mais qui te dit que je m'en fiche? Mon fun sonne et ressonne, je m'en fiche. Les insistes, t'es tout plein de fausses tactiques pour les fuck toutes. Moi j'suis authentique, romantique, Scarla à la peau douce. C'est le conflit entre l'ancienne et la nouvelle génération. Pour savoir lequel des deux apporte le plus d'admiration. Fais ta tension, tant de gaz clash. Ok les mecs ça parle, qu'on passe à l'action. Arrête de mentir, R.K., D'Angelo ou L.L., ce que tu veux du moment, j'obtiens ton fond. Arrête de mentir, ce qu'elles veulent entendre, non mais prêt à le dire, prêt à mentir, afin d'assouvir ses désirs. Arrête de mentir, mentir, mentir. Arrête de mentir, arrête de mentir. Arrête de mentir. Ah ouais tu chantes, ça tombe bien, je suis producteur. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle de mentir. Mais c'est la mienne, cette fille. Yeah. Tu te blagues, tu n'es qu'un gars ou quitte là où je te mets KO. Elle ne te voit même ah ouais. pas. Je crois pas qu'elle veuille un match au salon, mais un bel et plat talent. Le sexe qui compte. Tout le monde a grillé dans la salle, la grosse bosse dans ton pantalon. Du mal, on va se taper. Ah, c'est comme ça, allons. Check dans mon corps, j'ai mis mon calme. À la finale, c'est la même sur laquelle est de ton. Tu vois le truc, deux hommes, une bataille sur une petite bombe. Mais ça, c'est tout le temps, ça, c'est courant. Allez pour moi, allez, laisse-moi, c'est ma vie, ça, c'est mon cœur, ça, c'est ma chérie. Allez, casse-toi. Arrête de mentir, R.K., D'Angelo ou L.L., ce que tu veux du moment, j'obtiens ton fond. Arrête de mentir. Ce qu'elle veut l'entendre, non, mais prêt à le dire, prêt à mentir, afin d'assouvir ses désirs. Arrête de mentir, mentir, mentir. Arrête de mentir, arrête de mentir. Arrête de mentir. Ah ouais, tu chantes, ça tombe bien, je suis producteur. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle de menteur. Arrête de mentir. Arrête de mentir. R.K., D'Angelo ou L.L., ce que tu veux du moment, j'obtiens ton fond. Arrête de mentir. Ce qu'elle veut l'entendre, non, mais prêt à le dire. Prêt arrête à de mentir, mentir. Arrête de mentir. Arrête de mentir, mentir, mentir. Ah ouais tu chantes, ça tombe bien, je suis producteur. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle de menteur.